Thierry Lemieux, vous êtes maître de conférence à l'EHESS, directeur adjoint du groupe de sociologie politique et morale. On vous connaît beaucoup pour la sociologie du journalisme, qui est une de vos spécialités. Vous avez publié à ce titre Mauvaise Presse en 2000 et La subjectivité journalistique, récemment un ouvrage que vous avez dirigé dans la collection 4 figures de l'EHESS. Comme l'a dit Franck, on a été marqués, tous les trois, les trois organisateurs, par votre livre, Le devoir et la grâce, pour une analyse grammaticale de l'action. Je dis le sous-titre parce qu'il n'apparaît pas sur la couverture, et donc moi qui pensais que c'était un livre de théologie, j'ai été extrêmement déçu en l'achetant. Pas forcément, en tout cas, un livre dont le format est intéressant, et l'écriture également, puisque à une base continue de propositions, vous ajoutez un certain nombre d'exemples, des scolies et également. Donc là, on est dans un univers, je pense, qui vous rapproche des deux intervenants aujourd'hui. Le devoir et la grâce, et qui aussi répond à un autre ouvrage que vous avez dirigé, Naturalisme versus constructivisme, en 2007, dans la collection Enquête de l'EHESS. Donc des ouvrages qui s'intéressent à une théorie de l'action, une analyse grammaticale de l'action, et qui proposent donc une nouvelle théorie pour les sciences sociales, les sciences humaines et sociales, avec quelque chose qui nous a semblé intéressant d'interroger aujourd'hui, peut-être une frontière hypostasiée chez vous entre les sciences de l'enquête, qui serait le domaine des sciences humaines et sociales, et celle peut-être de la quête de sens ou du concept, je ne sais pas comment dire, qui serait du côté de la philosophie. Je vous laisse la parole pour une intervention intitulée « Concept philosophique, concept pour l'enquête des sciences sociales, le prix du passage ». Merci beaucoup, merci beaucoup aux organisateurs de donner l'occasion de cette discussion, discussion qui est relativement rare, on peut bien dire, dans nos disciplines. Alors, je partirai de la question tout simplement, quelle nécessité y a-t-il pour les chercheurs en sciences sociales à lire des textes de philosophie, à s'instruire de la pensée des philosophes? Pourquoi un tel investissement mérite-t-il d'être fait, et à quelles conditions peut-il se révéler fructueux? Et à partir de là, il me semble qu'on peut dire que les réponses qui sont données en pratique par les chercheurs dans les disciplines sont loin d'être unanimes. Alors j'ai exercé à essayer de vous proposer un repérage schématique des positions qu'on peut donc observer. Et j'ai désigné trois grandes options. En fait, alors la première, je l'appellerais, les termes ont peu d'intérêt, mais démarcationnisme. Et donc, j'entends par là cette position qui consiste à penser que la sociologie, par exemple, pour progresser, n'a rien à attendre de la philosophie, ni à l'inverse la philosophie de la sociologie, l'une et l'autre discipline reposant sur des épistémologies totalement différentes et même incompatibles. La philosophie n'est pas une discipline scientifique, elle n'a pas vocation à l'être, elle ne soumet pas la production de ses discours à des protocoles d'enquête empirique réglés par des méthodes de collecte des données collectivement validées, tandis que de son côté, la sociologie se veut une discipline scientifique et elle ne peut l'être, donc affirme les démarcationnistes, qu'à la condition de renoncer à tenir sur le monde un discours d'ordre métaphysique philosophique. Donc pour le démarcationnisme, philosophie et sociologie constituent deux jeux différents, reposant sur des règles différentes, exigeant des stratégies de jeu différentes, un petit peu si on veut comme le jeu d'échecs et le jeu de dames. Donc de sorte que dans cette optique, on peut être un grand sociologue professionnel, et ignorer à peu près complètement ce que les philosophes ont écrit sur les objets qu'on traite, de même qu'on peut être un grand philosophe en ignorant complètement, ou presque complètement, ce que les sociologues ont pu mettre en évidence à propos des objets auxquels on s'intéresse. À cette première position, j'en opposerai une seconde, que j'appellerai, là aussi, des termes importe peu, j'appellerai le fusionnisme, donc la position strictement inverse, qui consiste à considérer qu'il n'y a entre philosophie et sociologie, aucune véritable solution de continuité. L'écart épistémologique entre les deux disciplines ne mérite pas d'être dramatisé. Des travaux de philosophes touchant, par exemple, au langage, à la cognition, aux émotions, à la morale, à l'ordre politique, peuvent parfaitement être mis au service d'une démonstration qui se veut sociologique. De même, peuvent-ils venir contrer des arguments issus d'enquêtes sociologiques empiriques, et vice-versa. Alors, cette position, le fusionnisme, est évidemment facilement accusé d'être un confusionnisme, puisque pour ses détracteurs sociologues, c'est une position qui fait perdre de vue ce qu'est le projet authentiquement scientifique de la sociologie, en le faisant régresser au niveau des discussions scolastiques, comme on dit alors, que sont réputées tenir les philosophes. Mais à l'inverse, cette position fusionniste peut être critiquée du point de vue de la philosophie, parce qu'elle tendrait à rabaisser l'ambition théorique de la philosophie en la soumettant à une confrontation indue avec des descriptions prosaïques du monde. Enfin, donc, je pointerai une troisième position que j'appellerai, alors le mot n'est pas très joli non plus, conversionnisme, hein, à partir du mot conversion, qui est une position qui me semble particulièrement présente dans la tradition française, au moins jusqu'à une date récente, puisqu'on la trouve clairement exprimée chez des auteurs aussi centraux en sciences sociales que Durkheim, Lévi-Strauss, Dumont, Bourdieu. Et cette conception consiste à voir dans la sociologie et dans l'anthropologie, qui sont alors d'ailleurs considérés comme formant un tout, le dépassement logique et conséquent de la philosophie. Dépassement, devant s'entendre ici au sens d'une Aufhebung, c'est-à-dire d'un mouvement qui, en même temps qu'il condamne et répudie la philosophie, la conserve. Le conversionniste considère qu'à l'ère moderne, un philosophe, s'il veut être conséquent, s'il veut aller au bout de sa compréhension philosophique du monde, n'a pas d'autre choix que de se faire anthropologue, sociologue, car le point de vue de la sociologie et de l'anthropologie, en tant qu'il est un point de vue qui a été rendu possible par la modernité, livre sur la condition humaine la vérité la plus universelle, et permet par conséquent de comprendre ce qui, dans la philosophie, demeurait encore trop peu universel, c'est-à-dire trop attaché aux préjugés sociaux des philosophes, intérêt de classe, intérêt de genre, ethnocentrisme, intellectualisme. Le conversionniste tend également à considérer que la sociologie et l'anthropologie constituent une forme d'activité de connaissance caractéristique de la modernité qui tend à reconduire sans cesse la philosophie dans ses limites socio-historiques, en même temps que par ce mouvement même, elle approuve et prolonge le geste philosophique, en tant que volonté de savoir et de connaissance à prétention universelle. Ainsi entendu, le conversionnisme partage bien des choses avec le démarcationnisme, notamment l'idée qu'il existe entre les sciences sociales et la philosophie une rupture irrémédiable. En outre, il plaide, comme le démarcationnisme, pour que cette rupture entre les deux disciplines soit maintenue et même sans cesse répétée. Mais il se sépare du démarcationnisme, se rapproche alors de la théorie fusionniste, sur un point essentiel, c'est que pour lui, philosophie et sociologie ne sont pas et ne peuvent pas être deux disciplines indifférentes l'une à l'autre. Elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas l'être, car la sociologie procédant par une rupture avec la philosophie, en même temps donc elle en sauvegarde les ambitions et elle en conserve pour partie les questionnements, elle saurait se penser, ni penser ses ambitions propres, indépendamment de ce qu'est, de ce que veut la philosophie. Donc de ce point de vue, par exemple, ça, à mon avis, à tort qu'on interprète la pensée d'auteurs qui sont à mon avis conversionnistes, comme Durkheim ou Bourdieu, comme étant un simple démarcationnisme, c'est-à-dire comme une simple entreprise pour bannir en sociologie toute forme de raisonnement philosophique. Leur position à l'égard de la philosophie ne se réduit pas à poser ce type d'interdit, elle entretient en fait un rapport beaucoup plus complexe, je vais lire une méditation pascalienne qui se met à se voir, un rapport beaucoup plus complexe avec cette discipline mère, et pour la philosophie, consistant ce rapport à vouloir la parachever en sortant, et par le fait même d'en sortir. Alors, quel est à l'heure actuelle le rapport de force entre ces trois manières de penser, d'articuler l'articulation entre sociologie, anthropologie d'un côté et philosophie de l'autre? Il me semble que le démarcationnisme est l'attitude la plus courante, parmi les chercheurs, en même temps d'ailleurs que la plus encouragée par les institutions universitaires et scientifiques. Et il est aussi peut-être l'attitude intellectuelle la plus néfaste, puisqu'il vise tout simplement à couper la sociologie des ambitions philosophiques qui la fondent pour proposer une version de la sociologie qui soit professionnalisée, autoréférentielle, non réflexive, dans laquelle les sociologues sont invités à devenir des experts ultra spécialisés d'un domaine circonscrit institutionnellement, oubliant le lien qui devrait unir leur travail aux enjeux d'une anthropologie générale, c'est-à-dire d'une réflexion générale, philosophique, sinon, sur l'homme et les sociétés. Le fusionnisme est en quelque sorte le pendant, pour ainsi dire, presque mécanique de cette écrasante suprématie du démarcationnisme, puisqu'il se présente comme une tentative pour réaffirmer qu'une volonté de savoir commune unit la philosophie et les sciences sociales, donc pour exiger de la sociologie qu'elle se refuse à épouser le statut d'une simple science de gouvernement, qu'elle retrouve sa capacité à élever avec ses moyens propres, c'est-à-dire ceux des sciences sociales, des questionnements qui soient un tant soit peu philosophiques. Seulement, la démarche peut sembler un peu maladroite, puisque en faisant comme si le sociologue et le philosophe se soumettaient aux mêmes contraintes, et parlaient de plein pied, le fusionnisme échoue à défendre la sociologie dans son rapport distinctif à l'enquête empirique. Il tend à dévaluer les exigences méthodologiques qui seules fondent le caractère scientifique de cette discipline et peuvent la constituer en propre. Donc on l'aura compris, pour ma part, je plaide pour le conversionnisme, puisque je crois que c'est la seule position qui maintient la sociologie au niveau d'exigence intellectuelle ou à la vocation instituée, c'est-à-dire à un niveau où elle se donne pour tâche de dépasser l'interrogation philosophique, autrement dit, de prolonger l'interrogation philosophique à sa manière, qui n'est pas une manière philosophique. Et il me semble que tenter ce geste de dépassement est une attitude finalement empreinte de beaucoup plus de respect à l'égard de la philosophie que ne le sont donc d'une part le démarcationnisme qui conduit finalement à l'indifférence et au refus du dialogue, mais aussi le fusionnisme qui implique une sorte de mélange des genres, mélange des régimes épistémologiques. Alors, cette précision étant faite, je voudrais illustrer cette position conversionniste en évoquant la façon dont j'ai tenté de la mettre en œuvre dans l'ouvrage dont il a été fait mention, et que devoir et la grâce pour une analyse grammaticale de l'action. Alors, c'est un ouvrage qui propose en fait une théorie de l'action, c'est-à-dire effectivement, pour les sciences sociales, c'est-à-dire aussi une méthode d'analyse de l'action dans le cadre des sciences. Pour le dire vite, cette théorie se situe au confluent de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la sociologie pragmatique et le durkheimisme, d'autre part. Les questionnements qui parcourent le livre viennent de l'enquête empirique. Ce sont des problèmes issus de l'enquête de terrain, de l'enquête empirique, des problèmes que l'on rencontre en tant que chercheur. Par exemple, je vais faire un exemple. Comment être sûr de ne pas attribuer aux acteurs qu'on étudie des croyances qu'ils n'ont pas? Que faut-il décrire dans une situation sociale que l'on observe? Dans quelle mesure peut-on rendre prévisible l'action des individus qu'on étudie? Faut-il, en tant que chercheur, critiquer le monde social sur lequel on enquête? Et si oui, comment faut-il procéder? Dans quelle mesure est-il possible d'expliquer par le passé d'un acteur la façon dont il agit? Pour apporter à ces questions des réponses, des débuts de réponses, j'ai mobilisé les travaux empiriques, mais aussi les réflexions méthodologiques de nombreux sociologues, anthropologues et historiens classiques et moins classiques. Mais en fait, ce n'est pas tout. Le livre mentionne aussi un certain nombre, même un grand nombre, d'œuvres philosophiques. Le site que j'utilise, que je commente, et donc je voudrais préciser de quelle manière j'ai tenté d'instaurer ce dialogue avec la philosophie, afin, je l'espère, de convaincre de la différence qui existe selon moi entre un usage fusionniste des références philosophiques, qui n'est pas le mien, et un usage donc conversionniste, qui est celui que je défends. Au préalable, peut-être une question, pour quelle raison avoir fait une place et même une large place, à la philosophie dans un ouvrage de théorie sociologique, eh bien, c'est que, comme je l'ai dit, la philosophie doit être considérée, il me semble, comme le partenaire privilégié, dès lors qu'il s'agit de se rappeler en sciences sociales l'exigence de se porter à partir d'objets empiriques situés au niveau d'une réflexion générale sur l'homme et les sociétés. Et si vous voulez, un argument central du livre, au fond, c'est de dire que les sciences sociales se doivent d'adopter une démarche universaliste de ce type et de se porter à ce niveau d'exigence. Mais en quoi alors le dialogue donc nécessaire avec la philosophie a-t-il une chance d'échapper aux fusionnistes? Donc c'est ici peut-être que s'éclaira le titre que j'ai donné à cette présentation, concept philosophique, concept pour l'enquête en sciences sociales, le prix du passage. Il m'en semble en effet que distinguer sciences sociales et philosophie est un hommage au fond qu'il convient de rendre aux unes et aux autres, mais cela n'exclut pas les communications, les emprunts, à condition d'une réappropriation qui souligne à chaque fois le passage et qui paie le prix de ce passage. Par exemple, le concept de grammaire que j'emprunte à Wittgenstein, qui donc occupe la centrale de mon ouvrage, parce que je parle d'analyse grammaticale d'élection, n'est pas tout à fait, tel qu'aujourd'hui, le concept de grammaire tel que Wittgenstein l'avait envisagé. Tel qu'on peut envisager que Wittgenstein l'avait envisagé. Il est le concept de Wittgensteinien de grammaire, mais passé du côté des sciences sociales, c'est-à-dire redéfini dans la perspective d'un usage pour les sciences sociales, qui n'est pas l'usage qu'en faisait Wittgenstein, et qui n'est pas non plus l'usage qu'en font les philosophes qui se réclament de Wittgenstein. Donc pour préciser un peu les choses, je vais m'attarder sur trois exemples d'emprunt à la philosophie que je fais dans le livre. Le premier, je viens d'en parler, concerne le concept de grammaire que j'emprunte à Wittgenstein pour le soumettre au chapitre 1 du livre qu'on pourrait appeler une reprise sociologique. Le second exemple concerne la façon dont j'ai essayé, au chapitre 6 du livre, de repenser sociologiquement, de redonner un statut sociologique à la notion d'inconscient et à la question de la part inconsciente de l'action, entreprise qui m'a conduit à me retourner ou à me retourner vers la philosophie de Leibniz. Et puis le dernier exemple que j'évoquerai si j'ai le temps concerne la tentative pour développer à la fin du livre une théorie des dispositions qui rend justice à leur dynamisme, pas simplement à leur inertie. Et j'ai trouvé chez le philosophe pragmatiste George Herbert Mead des éléments pour formuler une telle théorie. Je commencerai donc par la question de la grammaire chez Wittgenstein. L'œuvre de Wittgenstein en France, depuis une dizaine d'années, est de plus en plus mobilisée en sciences sociales. Le sociologue Albert Augien a publié il y a quelque temps un ouvrage qui s'intitulait « Les formes sociales de la pensée » et dont le sous-titre était « La sociologie après Wittgenstein ». Alors, je pense que ce livre est intéressant par rapport au débat qu'on peut avoir aujourd'hui. Augien commence par rappeler, je cite, que l'œuvre de Wittgenstein est celle d'un philosophe résolument engagé dans la définition de la vocation de sa discipline et non pas celle d'un sociologue qui se serait ignoré. En d'autres termes, je cite toujours, l'œuvre de Wittgenstein ne vise pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à proposer un modèle pour les sciences sociales. Ce qui l'amène à conclure que, je cite toujours, vouloir fonder une sociologie wittgensteinienne est en un mot un projet absurde. Donc on reconnaît ici à ce que j'appelle une position démarcationniste qui cache mal au demeurant son exaspération vis-à-vis des usages fusionnistes auxquels Wittgenstein donne lieu aujourd'hui en sciences sociales. Je continue à citer Augien. Wittgenstein figure couramment parmi les auteurs que les sociologues aiment aujourd'hui invoquer pour justifier le bien fondé de leurs analyses. Or, il s'agit là d'une erreur de lecture aussi invraisemblable que répandue. Et Augien propose donc de traiter en fait cette erreur comme un symptôme et il se donne pour tâche de comprendre comment des sociologues ont pu assimiler l'œuvre de Wittgenstein à un territoire familier et la traiter en source d'inspiration. Or, ce qui me paraît intéressant, c'est que cette enquête qu'il mène va le déporter progressivement d'une position démarcationniste vers une position donc, que j'identifierais comme conversionniste. Parce que Hoogeyen considère que l'engouement des sociologues pour Wittgenstein témoigne d'abord d'une évolution propre à la discipline sociologique qui, dit-il, je le cite encore, à l'image de notre domaine de recherche, en est venu aujourd'hui à faire droit à l'idée que la démarche scientifique ne se réduisait pas à la production d'une explication strictement causale. Donc au fond, Hoogeyen fait pour que la sociologie regarde ses propres évolutions en face et les assume avec ses moyens propres, sans aller chercher chez un philosophe comme Wittgenstein des arguments d'autorité. Ceci revient, me semble-t-il, et je pense que bon, Hoogeyen est tout revient dans notre sens conversationniste qui n'est pas très sexien. Cela me semble impliquer quand même que la philosophie wittgensteinienne, si on veut la faire en quelque sorte entrer en sociologie, doit être transposée sociologiquement plutôt que simplement importée. Il s'agit de la reprendre d'un point de vue sociologique, ce qui veut dire, d'une part, ne pas la reprendre entièrement, d'autre part, ne pas la reprendre sous sa forme initiale, c'est-à-dire philosophique. Alors personnellement, dans mon livre, quoique me référant beaucoup à Wittgenstein, j'ai essayé de tenir compte des positions défendues par les gens comme Hoogeyen, c'est-à-dire des positions démarcationnistes. Et par exemple, je donnerai deux exemples. À la fin de l'ouvrage, je parle de l'inanité qu'il y a à mon sens à se servir, comme font aujourd'hui beaucoup de chercheurs, enfin un certain nombre de chercheurs, du texte de Wittgenstein qui s'appelle Remarques sur le rameau d'or de Fraser, pour essayer de disqualifier en sciences sociales l'opération consistant à expliquer au profit exclusif de l'opération consistant à décrire. Donc il y a ce passage très, très fameux de Wittgenstein dans les Remarques sur le rameau d'or qui dit, je cite, « Je crois que l'entreprise même d'une explication est déjà un échec parce qu'on doit seulement rassembler correctement ce qu'on sait et ne rien ajouter. Et la satisfaction qu'on s'efforce d'obtenir par l'explication se donne d'elle-même. On ne peut ici que décrire et dire ainsi à la vie même. » Alors, il y a beaucoup de sociologues qui se servent de cette phrase pour dire qu'il faut arrêter de s'expliquer en sciences sociales. Je considère personnellement donc qu'ils font une erreur parce qu'ils tirent des consignes qu'ils pensent valables pour leur discipline d'une perspective philosophique qui n'a ni la même épistémologie, ni les mêmes méthodes et ni la même justement, finalité pratique. De même, autre exemple, au début de l'ouvrage, je rappelle quand même que ce qu'il faut rappeler, c'est que Nietzsche est un philosophe du langage. Et donc, s'il explore ce qu'il appelle grammaire, c'est en expérimentant, c'est uniquement en expérimentant des jeux de langage, notamment en testant des expressions qui s'avèrent plus ou moins possibles ou acceptables dans ces jeux de langage. Donc, Nietzsche n'explore jamais ce qu'il appelle grammaire en menant une enquête dans les formes de vie auxquelles les jeux de langage qu'il utilise sont liés. Comme le ferait de son côté un ethnologue, par exemple. Et même si pour lui, je le cite, de représenter un langage signifie se représenter une forme de vie, c'est toujours par un travail sur le jeu de langage, et non pas par une enquête sur la forme de vie, que procède Wittgenstein. Alors de leur côté, les sciences sociales peuvent-elles se réduire à n'être que des sciences du langage? Le langage est-il la seule chose qu'elles aient à analyser? Si l'on répond négativement, ce qui est mon cas, si l'on assume, autrement dit, une approche non logocentrique du monde social, alors force est d'admettre que l'approche wittgensteinienne, et donc aussi sa définition de ce qu'est une grammaire, ne peuvent être directement appliquées dans ce sens. Mais, et c'est là que je me détacherai de bien, ces considérations démarcationnistes ne nous empêchent pourtant pas de faire quelque chose en sciences sociales, des analyses wittgensteiniennes de la grammaire. Cela demande seulement, à mon sens, d'assumer une position conversionniste, c'est-à-dire de faire un effort particulier pour redéfinir la grammaire afin de transformer ce qui est au départ un concept de logicien ou philosophe en un concept qui soit opératoire vis-à-vis du type d'enquête que nous avons à mener en sciences sociales. Voilà pourquoi la première proposition théorique de mon ouvrage a consisté à proposer au lecteur une autre définition de grammaire que celle qu'envisage Wittgenstein. Pour ma part, j'appelle grammaire l'ensemble des règles à suivre pour être reconnu dans une communauté comme sachant agir et juger correctement. Cette définition, bon, je n'ai pas le temps de le montrer, reste à mon sens profondément inspirée par celle de Wittgenstein, mais en même temps, elle s'avère congruente, je n'ai pas non plus tellement le temps de le montrer, avec la sociologie durkheimienne, ou du moins avec une certaine interprétation de cette sociologie. Et en outre, comme je tente du moins de le développer dans la suite du livre, elle est une définition directement opératoire pour l'enquête en sciences sociales. Et c'est ce qui m'autorise à dire que cette redéfinition de la grammaire pèse ce que j'ai appelé le prix du passage. Elle rend possible un usage pour les sciences sociales de certaines des réflexions philosophiques de Wittgenstein en renonçant par là même à être une définition philosophique de la grammaire. Peut-être pour préciser un peu en quoi cette nouvelle définition reste inspirée, à mon sens, par Wittgenstein, je dirais que c'est aussi et surtout parce qu'elle implique, concernant ce qu'est une règle, et concernant ce que c'est que suivre une règle. Il y a un long passage à la fin du premier chapitre du livre dans lequel j'essaie de revenir sur ce qu'il est convenu d'appeler le paradoxe de la règle chez Wittgenstein. Donc, paradoxe qui tient au fait, je vais le dire de manière un peu simpliste, que l'on peut parfaitement agir conformément à une règle sans pour autant, disons, avoir en tête le suivi de cette règle. Mais ce passage, en tout cas, est pour moi l'occasion de revenir sur la notion de sens pratique chez Bourdieu, et donc d'établir une discussion dont la perspective est proprement celle de l'enquête en sciences sociales. Et en fait, en réalité, dans cet ouvrage, je ne discute jamais les philosophes, et je ne leur reproche jamais rien. Ceux que je discute, ceux vis-à-vis desquels j'engage un propos critique, sont toujours des chercheurs en sciences sociales. Et en outre, c'est seulement du point de vue des conséquences des positions publiques sur la conduite de l'enquête en sciences sociales que j'exprime des désaccords. Quant aux philosophes, il me semble parfaitement incongru de leur reprocher, évidemment, de mal conduire des enquêtes de sciences sociales. C'est, pour reprendre mon image tout à l'heure, c'est comme si on reprochait à quelqu'un qui joue aux échecs de nager. Ce faisant, on ne peut pas non plus leur faire griller de ne pas développer de raisonnement sociologique, me semble-t-il. La querelle à ce sujet, si elle vient des sciences sociales, est aussi jeune qu'illégitime, car il faut, pour critiquer le travail d'un philosophe en particulier, adopter ou accepter d'adopter soi-même le point de vue philosophique et donc vouloir soi-même faire œuvre de philosophe. Quant à la critique du point de vue philosophique considéré en lui-même, considéré globalement, cette critique est comprise d'emblée dans le fait de faire des sciences sociales plutôt que de la philosophie. C'est typiquement la position commercialiste que je suis en train d'exprimer. C'est-à-dire que ça relève, au fond, d'une critique en acte, où on pourrait dire, en termes weberien, ça relève d'un ethos. Alors, peut-être pour parler simplement de mon second exemple, d'usage de travaux philosophiques, c'est autour de Leibniz. Alors, Leibniz, philosophe de l'âge classique, donc tout à fait étranger par conséquent au type de raisonnement qu'ont développé les sciences sociales. Et pourtant, j'ai découvert progressivement la très grande pertinence des thèses de ce philosophe au regard des thèses sociologiques que je m'efforçais de développer. D'abord, il y a eu donc dans ce chapitre 1, je discutais le sens pratique chez Bourdieu, cette phrase que Bourdieu cite souvent, qu'il avait trouvée dans la monadologie, la phrase est la suivante, donc la phrase de Leibniz, « Nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions. » Donc, phrase régulièrement utilisée par Bourdieu à l'appui de son idée de sens pratique, idée de sens pratique que, pour ma part, je tiens comme un appui fondamental pour l'enquête en sciences sociales. Simplement, Bourdieu, dans l'usage qu'il fait de cette citation, se montre-t-il suffisamment leibnizien, voilà. Parce que ce qui est frappant au fond, c'est qu'il ne semble pas prêter attention au dernier quart de nos actions qu'indique Leibniz. C'est-à-dire que si trois quarts de nos actions ne sont qu'empiriques, on peut en déduire que le dernier quart ne l'est pas, et que par conséquent, donc, les actions qui ne sont pas qu'empiriques, peut-être qu'on peut les appeler sont réflexives, par exemple. Donc mon projet, ça consistait à essayer de rendre compte de la continuité qui peut exister entre action empirique et action réflexive. Et ici, une attitude fondamentale dans la pensée de Leibniz a commencé à montrer son rendement, me semble-t-il. C'est le fameux principe de continuité qui, selon Leibniz, garantit que l'on peut toujours trouver entre deux états une série d'intermédiaires pour rendre compte du passage de l'un à l'autre. La fameuse formule de Leibniz, la nature ne fait jamais de saut. L'application de ce principe a fait apparaître qu'il devait exister une continuité plutôt qu'un simple contraste entre action empirique et action réflexive, autrement dit que la différence entre les deux était de degré et non pas de nature, ce qui expliquait qu'on parle plutôt de situations les moins réflexives et de situations les plus réflexives, et qu'on envisage par conséquent l'existence d'une certaine forme de réflexivité minimale dans nos pratiques les plus empiriques, et avec la tâche pour le chercheur d'essayer de rendre compte, de se donner les moyens de rendre compte de cette réflexivité, donc éminemment pratique, de cette réflexivité minimale. Et d'autre part, cela impliquait que la transformation d'une situation à l'autre, situation la moins empirique à la situation, la moins réflexive à la situation la plus réflexive, devait être comprise non pas comme un changement brutal, mais plutôt comme une question d'amplification et de diminution de la réflexivité. Donc une approche continuiste qui m'a amené à porter attention aux interactions produites dans les situations les moins réflexives, en tant que ces interactions sont selon moi les éléments qui, dans ces situations, introduisent un minimum de réflexivité susceptible, le cas échéant, d'être amplifié. Donc c'est l'origine du concept que j'ai mis au point, le concept d'action contradictoire ou d'action et d'action confirmatrice. Bon, auquel en réalité le titre de l'ouvrage, qui est un peu énigmatique et même un peu provocateur, se réfère. Alors au chapitre 6, cette approche continuiste m'a aidé à réenvisager la notion d'inconscient dans la perspective d'un usage pour l'enquête en sciences sociales et du point de vue de l'approche grammaticale que j'ai développée. Et ici, alors à nouveau, Leibniz, c'est Leibniz des petites perceptions. Ce sont des petites perceptions. Il suggère au fond que nous pouvons percevoir certaines des sollicitations du monde environnant sans pour autant les apercevoir. Une distinction entre perception, de quoi le corps perçoit, mais nous n'apercevons pas. Et Leibniz emprunte à ce sujet à Locke une notion, celle d'inquiétude, qui me semble une base pertinente pour bâtir du point de vue de l'enquête en sciences sociales, une conception qui soit opératoire pour une conception opératoire de ce qu'est un acteur social. Puisque loin de l'image donc, qui est parfois véhiculée en sciences sociales, bon, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, d'un individu serein, cohérent ou transparent et ou transparent à lui-même, La notion lagnitienne d'inquiétude nous invite à voir au contraire l'acteur social comme animé en permanence par des inquiétudes, que Leibniz appelle des petits tiraillements, fussent-ils pour l'heure imperceptibles, et comme demeurant actuellement inconscient d'une large part de ce qu'il est en train de faire ou de penser. Et donc, pour achever de théoriser cette conception de l'acteur social qui est nécessairement inquiet, et de la part nécessairement inconsciente de son action, j'ai emprunté à Leibniz encore une notion, celle d'incompossibilité, en lui faisant subir elle aussi un traitement qui la rend opératoire pour les sciences sociales. C'est un peu violent. C'est-à-dire que là où Leibniz emploie l'incompossibilité au sujet de l'action divine et de la question du meilleur des mondes, je l'emploie pour rendre compte d'action proprement humaine et de la question de la production de l'ordre social. Donc, peut conclure de cet usage, c'est chez moi progressivement intensifié, de la philosophie leibnizienne. Il me semble essentiellement ceci, c'est ce ne sont pas seulement des réseaux conceptuels que nous pouvons tenter de faire passer de la philosophie vers les sciences sociales et l'inverse, mais aussi et peut-être d'abord des principes logiques et des philosophèmes. Le continuisme de Leibniz est l'un de ces principes convertibles dans l'espace des sciences sociales. Il est en tout cas à mes yeux, puisque au-delà des notions donc, d'inquiétude ou d'incompossibilité, c'est ce principe surtout que j'ai adopté. C'est lui qui m'a conduit à devoir repenser à la fois ce qu'est la réflexivité d'une situation sociale ou ce qu'est un acteur social. Mais à la vérité, si j'ai adopté un tel principe, c'est qu'avant même d'avoir relu la vie, j'avais déjà commencé à l'adopter, sans trop m'en apercevoir, au cours de mes enquêtes. Et relisant la guide, je m'aperçus à quel point ce principe que je mettais en œuvre, avec plus ou moins de bonheur et de conscience, avait été, chez cet auteur, énoncé avec une clarté particulière et porté à un degré de systématicité sans équivalent. Et donc, de ce point de vue, je crois que l'emprunt de concept ou de principe à la philosophie n'a quelque chance de valoir dans le cadre des sciences sociales que s'il correspond déjà à une pratique dans ces sciences. Du moins, là, c'est une observation à laquelle nous incite, me semble-t-il, la position que j'appelle conversionniste. Après, je vais passer la troisième partie. Vous avez le temps. Avant, si je ne lasse pas trop l'auditeur, je vais bien aborder la dernière exemple que je voulais évoquer, qui concerne donc la question des dispositions et donc de ce qu'il est convenu d'appeler en sociologie la socialisation. Alors, la sociologie pragmatique des rangs de laquelle je suis issu a négligé les dispositions. C'est un des reproches majeurs qu'on peut lui faire, puisque le dispositionnalisme n'est nécessaire ni à la description de l'action, ni à sa compréhension. Ce sont deux tâches dont cette sociologie pragmatique tenait à rappeler l'importance centrale en sciences sociales. Mais le dispositionnalisme, pourtant, n'en reste pas moins une nécessité dès lors qu'il s'agit de rendre prévisible l'action ou encore de l'expliquer par le passé de l'acteur. Car dans ces deux cas, la durabilité du corps, à travers des situations changeantes, doit impérativement être prise en charge conceptuellement. Alors, ajoutons peut-être que si les sociologues pragmatiques étaient peu prompts à se doter de concepts dispositionnels, c'est aussi sans doute que le concept dominant en France à ce sujet était, et encore aujourd'hui, l'habitus au sens de Pierre Bourdieu, une notion qui donne de l'identité individuelle une conception beaucoup trop monolithique pour être compatible avec le postulat du pluralisme auquel les pragmatistes tiennent finalement plus que tout. Donc par rapport, d'ailleurs je mentionne d'abord, par rapport au débat qui nous occupe, la notion d'habitus, telle qu'elle est utilisée en sociologie, que ce soit évidemment chez Pierre Bourdieu, mais aussi chez Norbert Elias ou chez Max Weber, ne manque pas d'intérêt, puisque c'est une notion d'origine indubitablement philosophique, épuisée directement dans la tradition aristotélicienne chez Saint-Thomas, et qui s'est trouvée recyclée pour un usage proprement sociologique, à tel point qu'aujourd'hui, si on dit habitus, les gens pensent, je pense, d'abord à la sociologie plutôt qu'à la philosophie. Et ce qui témoigne au passage que ce que j'appelle le conversionnisme est une pratique ancienne en sciences sociales, et au moins aussi ancienne donc, que le démarcationnisme. Mais alors, puisque d'éminents sociologues ont ouvert la voie en allant chercher du côté de la philosophie des ingrédients conceptuels pour penser en sciences sociales la question des dispositions, pourquoi ne pas les limiter au moment où se fait ressentir la nécessité de se doter d'un concept dispositionnel qui soit mieux adapté que la notion d'habitus à la sociologie pragmatique? Voilà ce qui a été mon raisonnement. Et en fait, évidemment, on n'est pas très long à constater qu'il existe en philosophie de très nombreux concepts dispositionnels qui sont accordés au postulat de pluralisme. À savoir, tous les concepts dispositionnels que les philosophes pragmatistes ont forgés. Simplement. C'est-à-dire, par exemple, le concept d'habitude pluriel, Schaeffer ou Chidiwi, et le concept de tendance à agir pluriel, chez George Herbert Mead. Et c'est ce dernier concept que j'ai pris parti d'essayer d'emprunter, donc chez Mead, le concept de tendance à agir au pluriel. Le pluriel est très très important ici, évidemment, puisque c'est celui qui supporte le postulat pluraliste. Alors Mead, c'est sans doute de tous les philosophes pragmatistes celui qui se révèle le plus proche dans sa démarche, dans ses analyses, du point de vue des sciences sociales, et c'est peut-être la raison pour laquelle sa façon de concevoir la disposition m'a paru la plus intéressante. Mais ça n'en reste pas moins, de son propre aveu, un philosophe. Et donc, son concept de tendance à agir, même s'il est très informé par les sciences de la vie, par les travaux des psychologues, relève d'une réflexion philosophique. Enfin, juste ça, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. C'est admiratif, au contraire. Quand je dis n'en reste pas moins un philosophe, c'est pas forcément. Non, ne pensez pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de respect. Je vois que J'avais l'impression. Non, collège d'une réflexion philosophique. Et donc, il mérite d'être, disons, retraduit à l'intérieur d'une perspective proprement sociologique. Donc, c'est à quoi je me suis efforcé au fond. Alors, j'ai d'abord parlé de tendance. J'ai rajouté un adjectif qui dit les tendances à agir, c'est des tendances corporelles à agir. En fait, c'est un pléonasme. Donc, après, j'ai retiré, au début, j'ai mis corporel, pour plus tard, je vais retirer. Mais je voulais le mettre au début pour bien insister sur le fait que ces tendances à agir sont des tendances qui animent le corps en son entier et qui, par conséquent, dépassent de beaucoup ce que l'individu aperçoit lui-même actuellement de ses jugements ou de son action. J'ai ensuite développé l'idée que ces tendances sont initialement communiquées à l'individu de l'extérieur, puis renforcées ou diminuées au fil des expériences qu'il vit. J'ai insisté également, et c'est le point fondamental d'un point de vue pragmatiste, sur le fait que ces tendances à agir sont nécessairement plurielles, qu'elles peuvent donc parfois se confirmer, se renforcer mutuellement, mais aussi parfois entrer en contradiction les unes avec les autres, provoquant alors chez l'individu concerné des tensions, des inquiétudes particulièrement fortes, voire des crises, indissociablement d'ailleurs morales et physiques. Enfin, j'ai insisté sur un point de méthode, qui me semble capital du point de vue de l'enquête, des sciences sociales, à savoir que les tendances à agir ne sont descriptibles qu'à travers les actions qui les rendent manifestes. Elles ne peuvent pas être devinées ou décrites en dehors de l'action qui les rend manifestes. Cette esquisse d'une théorie de la socialisation, puisqu'au fond il s'agit bien de ça, creuse un écart critique avec la conception bourdieusienne de l'habitus. En fait, un écart assez faible, hein. Un écart critique beaucoup plus fort et beaucoup d'autres. Elle insiste quand même un peu davantage peut-être que chez Bourdieu sur le caractère nécessairement, ça c'est sûr qu'elle insiste plus que chez Bourdieu sur le caractère nécessairement pluriel des dispositions, là où l'habitude bourdieusienne met plutôt l'accent sur la cohérence des structures comportementales. Et en outre, elle met en lumière l'aspect nécessairement évolutif des dispositions, qui sont appelées à se renforcer ou à diminuer, et quoi qu'il en soit, à se réagencer entre elles, du fait même que des expériences sont vécues. Puissent-elles des expériences du même type, d'ailleurs, que les expériences déjà vécues. C'est-à-dire que la répétition est en fait un renforcement, pas une simple répétition du même, c'est le renforcement de la tendance. Là où l'habitude bourdieusienne insiste plutôt sur l'aspect éminemment conservateur des dispositions, à travers notamment l'idée d'inertie de l'habitude. Donc, en raison de cet écart critique, encore une fois, en réalité, n'est pas si grand que ça, hein, mais qui a quand même des conséquences pratiques pour l'enquête. J'ai voulu opposer à la notion d'habitus, dans sa conception bourdieusienne, une notion d'un type comparable, mais capable d'exprimer une vision plus dynamique. Et donc, c'est là que j'ai fait référence au conatus. Donc, c'est pas, en fait, vous voyez que, en réalité, je m'aperçois que c'est mine, en fait, qui est important, et que j'ai donc parlé d'anthropologie du conatus, mais je vais presque dire, c'est précisément parce qu'il y a un débat avec Bourdieu et que je cherchais quelque chose à opposer à conatus qui marque un petit peu. Mais néanmoins, je pense que c'est pas absolument absurde. Donc, j'ai pas parlé d'anthropologie du conatus, c'est-à-dire de aussi bien, on pourrait dire, si on suit Spinoza, une anthropologie du désir, on pourrait aussi l'appeler une anthropologie de l'appétit, d'ailleurs, ou même une anthropologie de la volonté. Tous ces termes, qui sont pour Spinoza des équivalents, nous forcent à penser dynamiquement, nous aident à nous éloigner d'une conception statique ou purement reproductive des dispositions, et ils nous orientent donc non pas vers le langage de la reproduction, mais vers celui de la tendance, on trouve le mot, au moins le plus important ici, c'est-à-dire le langage de l'amplification ou de la diminution. Et alors bon, c'est vrai que dans le livre, je me prête à un exercice qui consiste à traduire de ce point de vue la proposition de Spinoza selon laquelle le désir est l'essence de l'homme, devient, qui aurait pour équivalent ici, tout homme a tendance à agir. La tendance à agir est le propre de l'homme. Mais c'est un énoncé qui, du point de vue le second énoncé, de la façon de conduire l'enquête en sciences sociales, et en particulier des présupposés que le chercheur peut entretenir vis-à-vis de la passivité ou de l'activité des acteurs qui l'étudient, il me semble que c'est un énoncé qui peut revêtir une importance primordiale. Voilà, alors maintenant j'arrive vraiment à ma conclusion. Donc j'ai essayé de suggérer que le fait qu'il y ait toujours à payer entre, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, entre philosophie et sciences sociales un prix du passage implique, plus encore qu'un changement de la définition des concepts, un changement dans leurs usages pratiques. Ainsi, dès lors qu'un concept philosophique est passé du côté des sciences sociales, il n'est de facto plus le même, car il a pris place désormais dans un dispositif de savoir qui n'est foncièrement plus le même. Je serais tenté à cet égard peut-être de parler d'une critique sociologique des concepts philosophiques, qui ne consisterait pas du tout à contester la signification philosophique des concepts philosophiques, qui serait alors engager dans une discussion scolastique, disons, à la façon du fusionnisme. Cette critique consiste bien plutôt à proposer, pour ces concepts, un autre usage pratique, un usage pour l'enquête, qui, de facto, modifie leur signification. Donc on retrouve cette idée de conversionnisme. Enfin, je répudie le concept dans son usage philosophique et je le conserve dans un autre usage. Il est à noter que le prix du passage peut sembler moindre vis-à-vis des concepts qu'ont forgés les philosophes les plus proches dans leur démarche du raisonnement sociologique, c'est-à-dire, au fond, les philosophes les plus conscients des limites inhérentes à l'ethnocentrisme, à l'intellectualisme, à l'introspectionnisme, etc. C'est souvent les philosophes que les chercheurs des sciences sociales qui lisent la philosophie préfèrent, évidemment, spontanément. Par exemple, ceux qui appartiennent à la tradition que Vincent Descombes a appelée de l'extériorité de l'esprit, ceux qui s'inspirent du marxisme ou de certaines formes de pragmatisme. Et c'est vrai, même moi, dans mon âge, c'est ces philosophes-là que j'ai sans doute le plus volontiers et le plus spontanément sollicité. Pourtant, à compter du moment où on assume une position conversionniste, même ces philosophies-là doivent être reconnues comme n'étant pas des sociologies, comme n'ayant pas en elles-mêmes vocation à être de sociologie, et par conséquent, même les concepts issus de ces philosophies-là doivent être passés du côté des sciences sociales, c'est-à-dire repris du point de vue de l'enquête. Et en outre, la position conversionniste nous conduit à nous intéresser, tout autant qu'à ces philosophies-là, aux philosophies en apparence les plus étrangères au raisonnement sociologique. Ces dernières aussi lancent aux sciences sociales des défis qui valent d'être relevés, car les concepts qu'elles forgent pour appréhender ou valoriser certaines dimensions de l'expérience, comme par exemple l'existence d'un moi autonome ou l'impossibilité de communiquer avec autrui, attendent, eux aussi, leur critique sociologique, c'est-à-dire leur conversion en des concepts opératoires pour l'enquête sociologique. Et j'arrive de ce point de vue-là, Descartes, par exemple, pourrait s'avérer pour les sciences sociales finalement aussi utile et aussi passionnant que Spinoza ou Leibniz. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril Lemieux. Je vous propose peut-être de poser une série de questions avant de passer la parole à Frédéric Lordon. On posera à nouveau des questions à Frédéric Lordon et ensuite peut-être de faire des questions croisées pour l'ensemble des intervenants. Alors, j'aurais, pour ma part, beaucoup de questions à vous poser pour cet exposé qui amène un certain nombre de problèmes qui sont vraiment centraux dans le cadre de cette journée d'études, notamment sur un certain nombre de frontières disciplinaires, de frontières méthodologiques qui, dans votre exposé, semblent très claires, c'est-à-dire d'un côté la philosophie et de l'autre les sciences sociales, mais des sciences sociales finalement ramener, ça sera ma question avant de passer la parole à la salle, à la sociologie et l'anthropologie. Et là, je voulais savoir si, pour vous, le prix de ce passage entre, par exemple, sociologie et histoire, sociologie et économie, sociologie et littérature aussi, que vous utilisez, etc., est le même, ou bien s'il est plus facile d'emprunter à ces autres disciplines. Et également, la danse, ce que vous soutenez à la position conversionniste, c'est essentiellement des emprunts heuristiques à la philosophie, si j'ai bien compris. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui différencie la philosophie de ces autres disciplines des sciences sociales vers lesquelles vous n'hésitez pas à emprunter avec peut-être une facilité plus implicite, je ne sais pas. D'accord. Merci. Bon, en fait, ma position est passeronienne sur cette question, c'est-à-dire que, comme Jean-Claude Passeron a tenté de suggérer, on parle d'indiscernabilité épistémologique entre l'anthropologie, la sociologie et l'histoire. Je ne vais pas parler de l'histoire parce que l'histoire c'est compliqué, il y a une partie de l'histoire qui nous échappe en sciences sociales. Enfin, on la pratique, l'échappe en sciences sociales, mais pour moi l'histoire fait partie de ce bloc. Donc c'est sociologie, anthropologie, histoire sont de toute façon le cœur des sciences sociales pour la raison suivante, c'est qu'elles saisissent, l'activité humaine comme un tout. Elles s'intéressent à l'homme total. Par rapport à des disciplines, on va voir. Les économistes présents sont d'accord. Comme l'économie, par exemple, qui va abstraire une dimension de la vie sociale, la dimension économique, et en quelque sorte l'isoler, la purifier. Ce qui fait que les sociologues ont passé leur temps à dire aux économistes, vous avez oublié tout le reste. Et en même temps, les économistes ont dit, mais si on veut faire de l'économie, il faut qu'on fasse cette opération d'abstraction et de purification. L'économie, de ce point de vue-là, à mon avis, est proche, par exemple, du droit, qui fait la même opération. D'isoler une dimension de la vie sociale, la dimension juridique, ou bien encore de la linguistique, qui fait finalement la même chose, qui isole le langage. Donc, ce sont des disciplines de droit, économie, linguistique, qui, à mon avis, sont assez proches épistémologiquement et qui sont du coup différentes, sociologie, anthropologie, histoire. Donc, le rapport entre sociologie, anthropologie, histoire et philosophie est très proche. C'est vraiment. Et alors, je ne sais pas du tout, je n'ai pas réfléchi au rapport, on va en parler, au rapport entre ces disciplines basées sur une opération d'attraction de l'économie et la philosophie. Il doit être différent. Mais c'est vrai que ces réflexions permettent aussi de s'interroger. Ces réflexions par rapport à la philosophie permettent de s'interroger sur les relations entre les différentes disciplines des sciences sociales, qui cultivent sans doute des rapports différents. Donc, je ne peux pas parler pour les. En fait. Je ne peux pas parler pour les économistes, je ne sais pas. Je suis curieux de savoir comment ils pensent le rapport à la philosophie. J'ai parlé, c'est vrai, uniquement pour ma chapelle. C'est-à-dire, j'ai parlé pour la sociologie, l'anthropologie. Et disons l'histoire quand elle se rapproche des sciences sociales. Merci. Est-ce que. Et oui, alors simplement, la différence quand même avec la philosophie, il faut le dire, c'est l'enquête. L'enquête, enfin, la méthodologie, le concours, enfin, l'enquête empirique. On trouve aussi bien en histoire, en anthropologie, mais qu'on ne retrouve pas en philosophie, pas le même en philosophie, quoi qu'on dise. En tout cas, il y aurait moins de précautions à aller chercher du côté de l'histoire et de l'anthropologie pour un sociologue dans les emprunts conceptuels. C'est de plein pied. Moi, je suis d'accord avec Passeron, que c'est la même épistémologie, donc c'est de plein pied. Mais ce n'est pas de plein pied avec l'économie, ce n'est pas de plein pied avec. D'accord. C'est impossible. Bon, ça ouvre un certain nombre de questions, je pense, dans le cadre de cette journée très importante. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Cyril Lemieux ? Oui. Une question. Pour revenir un petit peu sur votre définition, cette position conversionniste, il me semble qu'en tout cas, il y a vraiment une différence entre la position que. Défendez, vous, nous astreintez des concepts, et la position telle que vous l'avez présentée, notamment chez les grands auteurs, les Français notamment, le premier geste de cette position semble à Marx, en fait, le premier à vraiment renverser la philosophie de cette manière à porter les sciences sociales. Chez Bourdieu aussi, c'est ça, la critique de Kant, du coup, ce n'est pas une utilisation de concepts, c'est vraiment refonder l'anthropologie à partir des sciences sociales, c'est comme ça que vous l'avez aussi décrit. Et je me demandais s'il y a ces deux choses différentes. S'il faudrait redéfinir deux catégories à partir de cette position, c'est deux choses qui vont totalement le faire. En tout cas, aussi dans les questions que vous êtes posées au moment de l'écriture de votre livre, parce Il y a eu cette idée de refonder aussi l'anthropologie de cette manière à partir de l'enquête. Pour ce qui concerne Bourdieu, moi je répète que je pense que c'est à tort qu'on le voit comme un démarcationniste. Évidemment, il y a tout un geste un peu de la rupture avec la philosophie, très conscient de dire aux étudiants de les prévenir contre ce que j'ai appelé fusionnisme. C'est que, en même temps, on lit un texte de Bourdieu, c'est rempli de références. C'est saturé, même. Enfin, je disais de ma partie, le terme grec, la philosophie. La notion d'habitude, l'apprendre à la parler de sociologie, la notion de capital. Donc, je pense que je ne suis pas sûr en fait que ce soit si différent. En fait. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait lieu de enfin, pour moi, hein. Mais moi, je ne pas comme ça, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire la distinction. C'est un conversionniste Bourdieu parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la philosophie. En fait, la position conversionniste, c'est la position de chercheur en sciences exactes qui, lui, s'intéresse à la philosophie. Mais qui veulent éviter la philosophie. Ils sont dans ce débat permanent pour faire dialoguer les deux disciplines. Et ce que je voulais dire aussi, c'est une position en régression, il me semble aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui il y a cette journée d'études, mais c'est plutôt une position, à mon avis, en régression. Et l'autre point qu'on peut dire, pourquoi c'est présent très fortement dans la tradition française, donc là je dirais à la commune, c'est l'école normale supérieure. C'est très lié à des cursus de formation dans lesquels les gens étaient formés en philosophie avant. Bon, aujourd'hui, dans le type de formation qu'on a aux disciplines des sciences, à l'anthropologie aussi bien qu'à l'histoire de la sociologie, la philosophie est absente des nouveaux cursus. Et donc, les étudiants peuvent avoir l'impression que leur discipline n'a vraiment aucun rapport avec la philosophie. Et du coup, ne pas se poser ces questions d'anthropologie générale qui, à mon avis, doivent se poser pour bien faire leur activité de recherche, même et surtout sur des objets empiriquement très situés. Il y a l'idée que je travaille sur un objet empiriquement. Je suis un spécialiste d'un truc très situé, donc je n'ai pas à m'intéresser à la philosophie. C'est une erreur capitale par rapport à la démarche sociologique à l'université. Parce que c'est parce que je m'intéresse à quelque chose d'empiriquement situé que je dois voir en quoi mon analyse va contribuer à une anthropologie générale. Il va avoir un lien avec l'anthropologie. Il y a deux questions. Ma question porte sur si la frontière entre philosophie et sciences sociales se situe sur l'usage de l'empirique, comment vous vous situez par rapport à la tradition philosophique qui s'est réclamée de manière explicite à l'expérience, je pense notamment au réalisme politique, à la grande tradition du réalisme anthropologique et politique, Machiavel, Hobbes, Spinoza, mais aussi Augustin. Et ça, c'est ce que je disais, c'est des philosophes qu'on adore. Enfin, avec lesquels on se sent proche tout de suite. Mais normalement, c'est les philosophes. C'est-à-dire que quand je dis empirique, ce n'est pas simplement empirique, c'est la méthodologie. C'est ça le geste de Durkheim, c'est de dire qu'il n'y aura pas de sociologie quand il n'y aura pas de méthodologie. C'est les règles méthodologiques qui vont fonder la discipline. Et donc, ça, je suis désolé de le dire, il n'y a pas ces règles de collecte des données, d'agrégation des données, d'analyse des données. Enfin, des choses rébarbatives, généralement, pour les philosophes, d'ailleurs. Ce qu'on appelle la science. Voilà, ce qu'on appelle la science. Je suis désolé de dire que même chez Machiavel, il n'y a pas ça. Chez Mead, il n'y a pas ça. C'est là que je vois une différence. Et c'est pas la même pratique, il faut bien le dire. C'est pas la même pratique. Maintenant, il faut qu'à mon avis, on sorte de tout ce que je viens de dire là, à l'instant. Quelle vocation être un reproche, c'est plutôt un reproche, c'est un respect. Mais c'est juste une curiosité, c'est-à-dire, comment vous expliquez alors l'expérience de reconnaissance, c'est-à-dire, Machiavel avait bien compris quelque chose que les sociologues avaient fait. Il avait fait de manière naïve. Je pense en fait ce que j'ai dit à la toute fin, là, je pense que si on regarde bien, tous les philosophes ont dit quelque chose d'intéressant pour les sciences sociales. Alors, cela, c'est évident, parce que Aristote, on peut même le présenter comme un pré-sociologue, si on veut. Tellement ça parle Oui, d'accord, mais Kant aussi, à mon avis, est intéressant, alors qu'il paraît au contraire très loin, voire au contraire. C'est-à-dire que quand on est sur l'optique que je disais qu'on a suivi, tout nous intéresse en philosophie, et tout, et même les choses les plus a priori éloignées, doivent être conçues comme des formes de défis, de provocation à la pensée. Parce que, par exemple, oui, la question de l'autonomie, il faut savoir en rendre compte, par exemple, telle qu'elle est posée chez Kant, c'est une chose. Voilà, on ne peut pas se contenter en sciences sociales de rien faire, de pas répondre à cette question de l'autonomie. On a des réponses, enfin, des sociologues, on leur répond. Voilà, c'est de trouver une valeur. Voilà, moi c'est ma position, moi c'est comme ça que je... Mais c'est vrai qu'on a une espèce de tropisme en particulier. Parce que ça colle beaucoup mieux, ça va beaucoup plus évidemment. Et que, par exemple, ce que je disais aussi, c'est que les philosophes se retrouvent déjà dans des pratiques sociologiques, comme dans le cas de Leibniz avec la continuité. Moi, j'aurais une question qui va peut-être avoir un peu de conversionnisme. Je penserais sur la question de savoir s'il n'y a pas une philosophie implicite aussi en sciences sociales. De savoir si vous allez chercher des choses chez Leibniz ou chez d'autres auteurs, est-ce que c'est un ensemble seulement holistique au sens où ça donne des idées, ou est-ce que ça vient en fait contredire une philosophie implicite qui est en sciences sociales? Alors ça, c'est pas deux philosophies plutôt que... Non, ça, c'est bon. Alors en fait, j'ai un passage que j'ai sauté, je ne vais pas être trop long, où je parle de conversionnisme philosophique. C'est-à-dire qu'il y a des philosophes, quelques-uns, qui s'intéressent aux sciences sociales pour en extraire des applications philosophiques. Donc on pourrait dire pour donc en extraire la philosophie implicite, pour expliciter la philosophie implicite. Ce qui est très intéressant à mon avis, c'est que, bon, il y a deux sortes, là, sont les fusionnistes qui font comme si Max Weber avait été un philosophe. Je ne vois pas que Max Weber ait des problèmes dans l'enquête, etc. Et puis, bon, il y a des gens qui se rapprocheraient plus de ce que j'appelle fondationniste, qui vont dire, voilà, là, ce que nous dit Max Weber, par exemple, par rapport à la question de la philosophie. Enfin, on peut le retraiter par rapport à la question de la philosophie de l'histoire, pour en tirer des choses en philosophie. Enfin, je pense qu'ils font l'opération inverse de conversion, ils en font une inverse, qui consiste à reprendre non plus des philosophes, mais enfin des sociologues jeunes, hein, et d'en faire des points. Je suis d'accord au fond, hein, avec votre idée, hein, complètement. Mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue de l'analyse, je crois que c'est important de refaire l'opération, de faire l'opération conversion. De voir que, autrement dit, de voir que ces sociologues, ces anthropologues qui ont effectivement des philosophies implicites, néanmoins, ils n'ont pas de visée, de contribuer directement à un débat philosophique. Oui, alors, non, mais juste, j'ai fait la rapidement, c'est quand vous disiez, ni de philosophe, on a fait un colloque à Nanterre une semaine, et après, on a pas arrêté de dire que c'était un psychologue social. Oui, peu importe en fait. Oui, mais il faisait des. Bon, ben, quand on lit, ça dépend de ses ouvrages, peut-être. Alors, justement, j'ai une question là-dessus, parce que j'ai une question un peu provocatrice, moi, j'ai beaucoup de questions à dire. Et en fait, quand je l'ai fini, je me suis dit. Ça pourrait être en philosophie. Et alors, justement, ma question est là-dessus, elle porte sur. En fait, dans ce livre, j'ai l'impression que. Mais peut-être que vous avez compris, j'ai l'impression que vous faites davantage de la théorie sociale. Que, voilà, c'est pas un ouvrage. Enfin, peut-être que vous allez vous dire que c'est un ouvrage empirique. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est. Est-ce que ce qui motive votre conversionnisme, c'est le fait que votre finalité derrière l'écriture de ce livre, c'est en fait vous adresser à la communauté des sociologues et donc à des gens qui font des enquêtes empiriques, ce qui du coup justifierait en fait quand même le fait qu'un philosophe ou un sociologue, c'est pas les mêmes pratiques. Ou alors, est-ce que finalement, ce type d'objet, c'est un objet plus hybride que ce qu'on vient de connaître, et que finalement, en fait, un philosophe qui s'intéresserait directement à la science sociale aurait pu l'écrire. Alors, pour prendre un exemple, justement sur la Mide, moi, il me semble que entre Mide, qui a fait énormément d'enquêtes de terrain, mais qui ne sont pas forcément des travaux de lui, d'ailleurs, qui sont publiés, et Dewey, James, etc., et j'ai l'impression qu'il y a quand même une épistémologie commune, et que, en fait, c'est assez difficile de dire là, ce serait la philosophie pure, et puis là, en fait, il vise en fait une application. Parce que, en fait, les pragmatistes sont tous des gens qui ont mené des formes d'enquête, soit politique, soit empirique, et donc, de fait, l'enquête est au centre de leur philosophie. Donc, du coup, voilà, c'est la question, c'est est-ce que le conversionnisme n'est pas justement ce que vous disiez à propos de la mythe, c'est plus une question de degré, en fait, plus qu'une question de basculement. Alors, oui, c'est vrai que ce livre-là, peut-être un philosophe qui s'intéresse aux sciences sociales, mais qui s'y intéresse vraiment. Alors. C'est-à-dire qui s'intéresse aux problèmes très triviaux que posent l'enquête. Ce ne sont pas des problèmes qui fascinent généralement les philosophes. Pas, par exemple, j'entends des cons, puis quelqu'un qui a d'intérêt et d'admiration pour son travail, je ne pense pas qu'il s'intéresse aux problèmes que pose l'enquête aux sciences sociales. Donc, voilà, c'est ça, du philosophe qui aurait une telle empathie avec le travail sociologique, mais une empathie qui reviendra à dire qu'il ne pourrait obtenir que qui l'ont pratiqué. Donc, dans le cas de Mide, et en fait, la question me fait penser que le Leibniz en question est aussi un scientifique par ailleurs, et que, effectivement, bon, c'est pas à la même époque, on n'a pas une vision entre les disciplines, mais pas la même. Disons, ça voudrait dire que à l'intérieur du travail de Mide, il y a des textes qui relèvent d'une démarche scientifique, c'est-à-dire, je ne connais pas, hein, ce dont elle faisait allusion, mais qui s'adresse à un public de scientifiques, qui joue le jeu de la science, de la preuve scientifique, qui s'inscrit pleinement dans ce débat, qui se plie à des méthodologies communes sur ce plan. Et une autre partie de son travail, qui est celle que je connais, il me semble qu'il ne fait pas ça. Il n'écrit pas de la même façon, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas les comment, mais en tout cas, il n'écrit pas de manière scientifique. C'est vraiment de la philosophie. Ah, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est comme ça, philosophie du présent. Mais c'est pourquoi c'est intéressant, je suis d'accord, parce que les questionnements sont complètement alimentés, énervés par des problèmes, comme très bien la psychologie. Il se pose. En fait, c'est ça aussi, c'est que le démarcationnisme, j'ai dit qu'il faisait des ravages côté sociologie, peut en faire côté philosophie, dans la mesure où il pourrait amener les philosophes à ne pas s'intéresser aux sciences. Je dis les sciences sociales comme les sciences. Et donc à ne pas être au fait des dernières avancées des sciences. Moi, je suis parfois frappé quand je discute avec des philosophes qui ont une conception de ce qui se fait en sciences sociales. Qui a toujours environ 30 ans de retard. Franchement. Donc, je trouve que c'est l'intérêt du dialogue, il est dans les deux sens. Pour un philosophe, de rester le contact de ce qui se fait dans les sciences, c'est quand même quelque chose qui, a priori, nous permet de faire la philosophie. Pour moi, c'est la philosophie. Donc, ça serait deux régions. Personnes, deux régions, et peut-être c'est mon cas aussi en fait, parce que ça c'est la région philosophique, on peut dire d'accord, qui est théorique ou philosophique, par ailleurs il y a d'autres travaux qui sont des enquêtes en fait. Alors du coup, si c'est votre région philosophique et que vous appliquez la méthode dans votre empirique, c'est une même méthode, de la même façon que dans le pragmatisme, il y a une même méthode dans la philosophie et dans les enquêtes, et comme le montre en fait d'ailleurs Non, mais ce livre par exemple, il n'y a pas de. Pas d'établir des preuves de certains analyses à partir de données statistiques, d'une enquête de terrain, des effets d'observation sur un protocole détaillé, ce qui permettrait à mes collègues chercheurs de dire il s'est planté sur ces stats, ou bien il a un effet d'observation. je propose autre chose, c'est la clarification du livre. On va prendre une dernière question. On pourra revenir peut-être après, au cours de la discussion plus générale. Une dernière question, et puis on passera. Juste, c'était pour revenir sur les prix du passage dont tu as parlé. Tu dis donc le passage, c'est à la fois un jour de définition du concept, si j'avais compris, et un jour d'usage. En fait, la question est peut-être un peu naïve et un peu provocatrice, mais si le terme que tu utilises n'a à la fois pas la même signification et pas le même usage, est-ce qu'on pourrait garder le terme lui-même ? D'accord. Est-ce qu'il pourrait risquer d'engendrer des confusions, même des faux débats sur des philosophes qui diraient à mon avis, c'est pas exactement ça ? Donc, la proposition qui n'est pas évidente, évidemment, c'est de dire qu'on utilise tel philosophe à tel moment. Mais de proposer un autre concept qui est une nomination de ce différent. Oui, alors, c'est surtout, ce que je dis à la fin, c'est surtout le plus important que de définir, c'est d'utiliser, donner un autre usage. Enfin, l'utiliser pour les sciences. Mais pour que cet usage soit possible, ce que je vais vous dire par ma vie, c'est que. On est obligé, à mon avis, de le redéfinir, parce que tel qu'il est, on ne pourra pas récupérer un peu. C'est l'usage qui commande la redéfinition, peut-être que dans certains cas, par exemple, les, je ne sais pas comment s'agir, il commande moins de redéfinition, mais j'en fais une quand même. Parce que... Alors, pourquoi je garde le même mot, finalement? C'est pour marquer le lien, quand même. C'est pour marquer le lien, pour indiquer le lien, quand même. La dette, si on dit. C'est quand même pour dire que moi, j'aurais jamais utilisé le grammaire si j'avais pas vu le delphin, quand même. Je pense pas. Donc, ça, même si j'en fais quelque chose qui me prend proprement à du delphin. Donc, ça me paraît, bon, ça me paraît important de noter l'origine, quoi. Noter l'origine. Et ça n'est pas non plus, quand même. Ce que j'ai dit, c'est que ça conserve, à mon avis, quand même, des éléments de la pensée du delphin, notamment. Que j'ai dit sur suivre une règle, par exemple. Donc ça accroche ça, quand même, qui vient de lui. Qui ressemble aussi à son pratiqué Bourdieu, et c'est un peu différent. Ça vient quand même. La façon dont moi je le prends est plus proche de la façon dont je tiens la explicité. Une ultime question était demandée, là-bas on va pouvoir la prendre peut-être. Alors, oui. Première question, je suis économiste et pas sociologue. Vous avez un moment indiqué qu'il y avait une ligne de démarcation entre le noyau dur un peu des sciences sociales et puis l'économie, le droit, qui serait sur des objets spécialisés. Alors moi, je pense qu'il faut arrêter de dire l'économie, parce que ça n'existe pas. Il existe deux formes d'économie dont les rapports qu'ils entretiennent avec les autres sciences sociales sont radicalement différents. Genre, la première, c'est l'économie néoclassique. Je pense que c'est ce qu'on dit la plupart du temps. Et là, il ne faut pas trop se raconter l'histoire. Le modèle de l'homo economicus, il a pour vocation à être impérialiste. Donc il ne va pas être dans son coin à s'occuper des petites questions, il va s'occuper de tout. Donc là, la collaboration, il n'y en a pas. Et le rapport à la philosophie, il n'y en a pas non plus. Par contre, il y a des économistes institutionnalistes, alors il y en a quand même pas mal dans la salle, qui eux, c'est conventionnalistes, la régulation, enfin, tout ce qu'on veut, qui eux ne sont pas dans un rapport d'impérialisme avec les autres sciences sociales, mais un rapport de collaboration, et qui ont nourri leur production conceptuelle du rapport à la philosophie, qu'elle soit la phénoménologie structurelle, en fait. Donc c'est quand même assez différent, quand on parle d'économie, de distinguer l'économie néoclassique de l'économie institutionnaliste. Si quelqu'un a mieux de cette distinction, on l'apprend, mais elle est assez parlante. Deuxième remarque, là c'est de Béotien, je suis économiste, je ne suis pas sociologue. Je voudrais savoir quel est aujourd'hui l'impact d'adopter une posture de réflexion sur le lien entre les sciences sociales et la philosophie dans une carrière académique de sociologue. Parce qu'en dehors de l'empirie, il y a un salut académique. Sur la distinction entre deux économies, il y a quand même un problème. Soit c'est la même discipline, alors il y a l'économie, soit ce sont deux disciplines différentes. À ce moment-là, il faut rebaptiser l'économie institutionniste autrement. Oui. Il faut dire que c'est pas inventer un nouveau mot. Ou bien, ça, je pense que c'est un point central. Hein. Parce que sinon, bon, Et alors, la deuxième chose, c'est le rapport du néoclassique à sa philosophie. Il ne s'y intéresse pas. Donc, la politique versus science économique. La philosophie peut s'intéresser à lui. Parce que là, du coup, il y a des philosophies implicites. Et donc, je pense qu'il y a, qu'il le veuille ou non, on peut les lier à la philosophie. On peut travailler sur le rapport, disons, objectif qu'ils entretiennent à la philosophie, à une philosophie. Donc, je suis d'accord sur le. Par ailleurs, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a deux courants en sociologie, on voit bien. Le courant auquel vous appartenez, à mon avis, éprouve des difficultés qui viennent de la suprématie de ce que j'appelle des démarcationnistes. Et alors, pour la carrière là, du sociologue, je ne sais pas trop vous répondre, parce qu'a priori, j'ai tendance à dire. C'est mal vu, puisqu'il y a cette professionnalisation de l'activité. Mais c'est même pas que c'est mal vu, c'est pas vu. C'est-à-dire que la plupart des gens ne disent pas, mes collègues ne diront pas des vies comme ça. Ou alors, comme ils en entendent parler, ils regardent un peu, ils disent « Ah ouais, ça va être intéressant. » Ça ne va pas les faire dévier. Ils sont proches de vos économistes classiques. Même si nous, on est en sociologie, on est moins professionnels. Ils essayent, c'est un peu leur modèle. Donc ils vont devenir des experts machins qui n'ont absolument pas besoin de s'intéresser à quelque chose. Il demeure, surtout en France, quand même, la nostalgie, à la fois en anthropologie, la nostalgie de ce rapport à la philosophie. Et donc il y a un certain prestige qui peut être attaché au fait d'être un théoricien. C'est très intéressant, je veux dire, donc il y a un certain prestige qui demeure, je dirais, par rapport à ce qu'on voit dans d'autres. D'autres configurations. Mais par exemple, moi, l'expérience que j'ai eue avec ce livre, c'est assez intéressant parce que des collègues m'ont dit mais en fait, non, mais laisse tomber les trucs empiriques, là, ça prouve que tu es un théoricien, faire de la théorie. Et alors, moi, tout mon combat, c'est de dire que non, que justement, il faut pouvoir faire une partie de l'enquête empirique qui maintienne un lien avec la théorie. Et donc, là, ce que j'ai bien ressenti, c'est qu'il y a un effort institutionnel pour faire de la dichotomie. Donc d'un côté, les empiristes plats, de l'autre, les théoriciens qui ne feraient que ça, en fait, de la théorie coupée de l'enquête. Et alors, si vous voulez, mon projet, c'est au contraire de faire l'inverse. Alors ça, c'est là que c'est complètement inactuel. C'est ça le plus inactuel du livre, je pense. C'est pas tellement que ça fasse de la théorie, c'est que ça veut faire de la théorie entrer dans l'enquête. Ou après, on peut prendre la discussion générale. Il y a vraiment de très grands spécialistes de théorie sociologie qui ne font que ça. Jamais dans les enquêtes empiriques, et c'est finalement par exemple la définition dominante en Europe aujourd'hui de la sociologie. Par exemple, si on tourne vers les Allemands, ils font que ça, ils font de la théorie sociale. Il y a d'un côté la théorie sociale, Habermas, Beck, Kahnet, etc. Et puis d'autre part, il y a des empiristes plats qui d'abord dépendent de l'État. Vous voyez, il n'y a plus cet accrochage.